السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة، كما نسأله سبحانه وتعالى العون والتسديد لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ يحيى ابن شرف النووي رحمه الله: الحديث العاشر، لو ديزيام حديث، d'après Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah est bon, pur, et n'accepte que le bon. Et certes Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a aussi ordonné aux messagers. Puis il a dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ô vous les messagers, mangez de ce qui est bon, licite, et accomplissez des œuvres pieuses. Surat al-Mu'minun, verset 51. Et il a dit le Très-Haut: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes nourritures licites que nous vous avons octroyées. Surat al-Baqara, verset 172. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit allusion à un homme qui accomplit un long voyage, est dans un état apparent négligé, a des cheveux poussiéreux, qui lève les mains au ciel en disant: ô Seigneur, ô Seigneur, alors qu'il mange des choses illicites, boit des choses illicites, s'habille de choses illicites et a été nourri de choses illicites. Comment donc pourrait-il être exaucé? Hadith rapporté par l'imam Muslim. Cet immense hadith contient plusieurs masaïl, plusieurs sujets importants. Premièrement, dans la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Nous tirons de cela que le nom At-Tayyib, le bon, est un des noms parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a cité ici le messager sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith: inna allaha tayyibun, certes Allah est bon. Et le sens de ce nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est qu'Allah est pur et exempté de toute forme de manquement et défaut, et qu'à l'inverse il est subhanahu wa ta'ala qualifié par toute perfection et bonté. Cela dans son essence, subhanahu wa ta'ala, dans ses noms et attributs, ainsi que ses jugements, qui ne contiennent aucune imperfection ou défaut. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, at-tayyib, n'accepte des serviteurs que ce qui est caractérisé et qualifié par la bonté. Et cela est général pour toutes les œuvres, qu'elles soient apparentes ou cachées. Comme cela englobe les gains que le croyant acquiert et ce qu'il dépense. Donc le croyant n'œuvre que de ce qui est bon, c'est-à-dire les œuvres pieuses, ne gagne que de ce qui est bon et licite, et ne dépense que de ce qui est licite et bon. Et donc le sens de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il n'accepte que le bon, est général et englobe la bonté dans toutes les choses, dans toutes les œuvres, les paroles et les croyances. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit à ce sujet, après avoir cité que le sens de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et il n'accepte que le bon, est qu'il n'accepte que ce qui est bon et licite comme aumône, comme sadaqat. Puis il nous dit rahimahullah: et il fut dit, certes que le sens du hadith dont nous parlons par sa parole sallallahu alayhi wa sallam et il n'accepte que ce qui est bon, est plus général et englobe plus que cela, c'est-à-dire plus que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que les bonnes aumônes. Il nous dit que le sens est plus général et englobe plus que cela, et qu'il n'accepte de toutes les œuvres que ce qui est bon et pur. Pur de tout ce qui peut venir les altérer, comme l'ostentation et la vanité, et qu'il n'accepte des biens, des aumônes ou dépenses, que ce qui est bon et halal, licite. Car certes, la bonté, la pureté, est un attribut par lequel l'on peut qualifier les œuvres, les paroles et les croyances. Et toutes ces choses, c'est-à-dire les œuvres, les paroles et les croyances, se divisent en bons et mauvais. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, toutes les œuvres, ainsi que les paroles et les croyances, peuvent être qualifiées de bonnes ou mauvaises. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est bon, at-tayyib, et n'est bon que ce qui est pieux et vertueux, al-amal al-salih. Et quant aux œuvres, elles ne peuvent être qualifiées de bonnes, de saliha et vertueuses que si elles réunissent les deux conditions d'acceptation qui sont la sincérité de l'auteur, c'est-à-dire qu'il ne recherche par cela rien d'autre que l'agrément et la récompense de son Seigneur le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Et quant à la deuxième des conditions, elle est la conformité au suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit loin de toute innovation et suivi des passions. Donc, le croyant s'efforce et accourt à être bon et pur dans tous ses actes. Cela par l'accomplissement des œuvres pieuses et le délaissement de ce qui contredit cela. Dans ses paroles, par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement des mauvais propos. Et dans sa croyance, par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul, en droit d'être adoré subhanahu wa ta'ala, la croyance, la foi en sa seigneurie, en sa perfection absolue subhanahu wa ta'ala, par la croyance au jour dernier et ce qu'il contient, la croyance aux anges, aux livres révélés, aux messagers et aux destins favorables ou défavorables. En espérant à travers cela, entrer dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il qualifie les croyants par cet attribut de bonté, avec lequel ils rencontreront les anges qui les salueront par la meilleure des salutations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après le sens du verset, et il sera dit à ceux qui ont été pieux, qu'a fait descendre votre Seigneur sur vous? Ils diront un bien. Ceux qui auront été bienfaisants auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Et quelle bonne demeure sera celle des pieux? Puis il nous dit, subhanahu wa ta'ala, certaines des caractéristiques de cette bonne demeure. Par sa parole, des jardins de séjour éternels où ils entreront et sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. C'est ainsi qu'Allah récompense les pieux. Puis il nous cite, subhanahu wa ta'ala, qui sont ces pieux? En nous disant, wa huwa mahal al-shahid, c'est ce qui est voulu par la parole, ceux dont les anges prennent leurs âmes alors qu'ils sont bons, tayyibin. Ils leur disent, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate les abeilles, versets 30 à 32. Donc, ceux dont les anges prennent les âmes alors qu'ils sont bons, purs. Bons et purs dans leur cœur. Cela de par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour. Bons et purs dans leur langue, de par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de citer ses éloges subhanahu wa ta'ala. Bons et purs dans leurs membres, de par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se diriger vers lui. Comme nous le cite l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah en commentaire de ce verset. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous compter parmi ses serviteurs bons et purs. Puis, parmi les masaïls de ce hadith, le fait de savoir qu'il fait partie de la bonté de par laquelle le croyant doit se parer, le gain et la consommation de biens licites. Et à l'inverse, le délaissement de toute consommation et gain illicite. Comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, qu'Allah a ordonné aux croyants de manger de ce qui est bon et licite de ce qu'ils ont eu comme subsistance. Donc le croyant s'efforce à avoir des gains licites et à consommer ce qui est licite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a aussi ordonné par cela les messagers. Et parmi les masaïls de ce hadith, il est de savoir que la consommation de nourriture illicite ou provenant de gains illicites est une des causes menant à ce que les invocations ne soient pas exaucées. Cela comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à la fin du hadith, alors qu'il mange de la nourriture illicite, boit de l'illicite, s'habille de l'illicite et a été nourri de l'illicite, comment peut-il donc être exaucé? Donc le fait de manger de l'illicite est une des causes menant à ce que la personne ne voit pas ses invocations exaucées. Tout comme nous tirons du hadith quatre choses faisant partie des causes pour que l'invocation soit exaucée, qui sont, comme l'a cité le messager sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, le fait d'être en voyage, comme cela fut cité dans certains hadiths, et que la personne soit dans un état apparent dégradé en ayant les cheveux poussés sérieux, en ayant les cheveux poussés sérieux, comme cité dans le hadith. Cela comme il fut rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il est sorti pour se diriger vers la demande de pluie, à l'istisqa, est sorti de manière humble, avec une apparence extérieure peu soignée, avec supplication sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premièrement, le fait que la personne soit en voyage et qu'elle ait une apparence peu soignée en ayant les cheveux poussiéreux. Deuxièmement, le fait de lever les mains au ciel pendant l'invocation. Comme dans le hadith, il lève les mains au ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Troisièmement, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms parfaits. Comme Allah nous dit, d'après le sens du verset, « Et à Allah seul appartient les noms les plus beaux, invoquez-le donc par cela. » Et dans le hadith, l'homme dit « Ô Seigneur, ô Seigneur ». Donc parmi les causes menant à ce que la personne soit exaucée, que nous tirons du hadith et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que la personne demande à Allah subhanahu wa ta'ala de par un de ses noms les plus parfaits. Quatrièmement, il fait aussi partie des causes pour l'acceptation des invocations, al-ilhah, c'est-à-dire le fait d'insister dans sa demande et ne pas se lasser en disant « j'ai demandé, mais je n'ai pas été exaucé ». Donc la personne insiste et répète sa demande. C'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée du serviteur. Tout comme nous tirons du hadith, parmi les masaïl, l'obligation d'être reconnaissant face aux bienfaits provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela par l'accomplissement d'œuvres pieuses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux messagers par sa parole, mangez de ce qui est bon et licite et accomplissez des bonnes œuvres. Mangez ce qui est bon et licite et accomplissez des bonnes œuvres. Tout comme il a dit subhanahu wa ta'ala aux croyants, mangez des nourritures bonnes et licites que nous vous avons octroyées et soyez reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de manger de ce qui est licite et d'être reconnaissant. Et cela par l'accomplissement d'œuvres pieuses. Car la réelle reconnaissance envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait en plus de savoir que ce bienfait provient d'Allah seul, et en plus de lui faire des éloges subhanahu wa ta'ala pour cela, par le fait de lui obéir subhanahu wa ta'ala et d'accomplir des œuvres pieuses. Mangez ce que nous avons accordé et soyez reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de manger des bonnes nourritures de ce qui est licite et d'être reconnaissant envers lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans ce sens-là, après avoir cité dans Sourate Saba, ces bienfaits qu'il a accordés sur la famille de Daoud, Ali Daoud alayhi salam. Donc après avoir cité subhanahu wa ta'ala certains des bienfaits qu'il leur a accordés, il interpella la famille de Daoud en disant, ô famille de Daoud, œuvrez en guise de gratitude, et très peu de mes serviteurs seront reconnaissants. Très peu de mes serviteurs seront reconnaissants, car très peu d'entre eux utilisent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance. Et cela, même s'ils proclament par leur langue que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme cité, la réelle reconnaissance envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait par le fait, premièrement, de savoir que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah nous dit d'après le sens du verset, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et vous n'avez aucun bienfait sans qu'il provienne d'Allah. Deuxièmement, le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait-là et d'en parler à autrui dans le but de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit d'après le sens du verset, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-le. Troisièmement, le fait d'utiliser ce bienfait-là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le point par lequel la majorité des gens vont échouer. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le verset précédent, I'malu ala Daoud shukra, aux familles de Daoud, œuvrez en guise de gratitude, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Cela alors qu'il n'y a pas de musulmans sur terre sans qu'ils ne disent Alhamdulillah, louange à Allah, ou bien Ash-shukrulillah, remerciement à Allah. Mais avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala a quand même cité que très peu de ses serviteurs sont reconnaissants. Les gens de science citent par rapport à cela que cela est une preuve qui montre que la réelle reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala ne se fait pas seulement par la langue. Mais celui qui le dit par la langue, mais n'utilise pas ces bienfaits-là pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, n'aura pas été réellement reconnaissant. هذا ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكون ما سمعنا حجة لنا ولا علينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce immense, qu'il fasse que ce que nous avons entendu soit une preuve pour et non contre nous, le jour où ni bien et ni enfant ne sera profitable à quiconque, si ce n'est celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, un cœur saint. Comme nous nous demandons subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, nos œuvres et nos paroles de ce qu'il n'aime pas et qu'il n'agrée pas subhanahu wa ta'ala. Et nous nous demandons subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite, la réforme de nos cœurs, de nos œuvres, de nos paroles. Il est certes sami'un mujibun qaribun. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.